بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فتنة عرفناها وعرفها من عايشها وكل من تبصر فيها ورآها فتنة واضحة. فالله يبصر أهل الحق بها، وأما بالنسبة لهؤلاء فأمرهم واضح. الدعوة السلفية تقدم لكم ما على الدعوة بأس أبدا. ما على الدعوة بأس منهم هو حزب هزيل. يترأسه من ترأسه حزب مخضوح. قد عرفه رجال ونساء أهل السنة، فالذي يترأسه أو يؤسسه ترى أصل الباطل وأراد يؤسس الباطل وأضر بنفسه قبل غيره. تساقط وتناحر الطاعنين في أهل السنة بدماج وشيخها وثبات العلامة الحجوري وإخوانه الشيخ الفاضل أبي حاتم يوسف الجزائري حفظه الله تعالى. L'écroulement et les disputes et divergences des diffamateurs des gens de la Sunna de Majd et de leur cheikh, ainsi que la fermeté de l'Allama al-Hajouri et de ses frères. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. Et que maintenant il va démontrer que ces gens-là se retournent les uns contre les autres. D'accord. Après qu'ils étaient soi-disant en apparence, Tarsaboum Jabia, Kolobum Shatta, t'as vu qu'ils étaient unis. Mais maintenant, tu vois que leurs cœurs sont divisés, qu'ils mangent les uns les autres, se reprochent des choses. Et que l'Adani, ce qu'on disait sur lui, il va eux-mêmes le confirmer aujourd'hui. Que tu vois que nous, ce qu'on disait sur eux, l'Adani, c'est Assad, le confirme sur eux. Première partie. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن شاء الله dans ces audios on va tenter de traduire ce qu'a écrit le shir Yusuf Abu Hatim al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala autour des fâcheuses conséquences que subissent aujourd'hui les ashab du Hizb al-Jadid, du Hizb al-Adani, qui était appelé comme ça en guise de titre, mais qui en réalité ce n'est pas l'Adani qui a rendu la tête. Car après tous les événements qui se sont déroulés, toutes les réfutations qui ont été faites et les preuves qui ont été données et clarifiées depuis le début de cette fitna, sans retarder, on voit que beaucoup se sont détournés de prendre la vérité et ont suivi leur passion, le grand nombre, ou le shir intel, ou je ne sais quoi. Et résultat, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une impasse. D'accord ? Car apparemment, maintenant, comme cela a été démontré dans les témoignages fiables et véridiques, que ces gens-là, à la base, ne s'aimaient pas. Les Ashab du Hizb al-Jadid, entre eux déjà, ils n'étaient pas liés. D'accord ? Ils n'étaient pas en alliance. Et ça, la Hizbiyya. C'est le Wala wal Bara et Dayyak. Ça veut dire qu'à la base, un tel n'est pas comme toi, mais tu t'es lié avec lui en but d'accomplir un objectif. D'accord ? Et tout simplement, la Hizbiyya, c'est ça. Ça va pas plus loin que ça, tu vois. C'est le Wala wal Bara et Dayyak. L'alliance est le désaveu restreint. Que tu t'es lié avec quelqu'un, même s'il n'est pas comme toi, pour une chose. Il y a une Hizbiyya qui est Mad Mahmouda, c'est l'Hizbiyya Lillah, Hizbullah, Humul Muflihun. Que tu t'allies avec tes frères pour défendre Allah. Ça, il n'y a pas nul autre grief là-dessus. Autre que cela rentre dans quoi ? L'esprit de sectarisme, et celui-ci est une bid'a. Car les salafs n'est pas là-dessus. Tu prends le haq, hein, et tu défends les gens du haq, et tu conseilles le murti, ou tu le délaisses. En conséquence de son erreur, c'est pas tu t'allies avec lui pour pouvoir t'en prendre à quelqu'un d'autre parce que celui-ci te dérange ou celui-ci est un obstacle dans tes projets. Non. Toi, tu t'allies pour Allah. Tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Ce qui n'était pas le cas de ces gens-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu vas le te rendre compte, toi et les autres qui écoutent, aujourd'hui, comme on dit, c'est la guerre entre eux. Naam. Avant tout ça, en guise de Mukaddima, il y a un tafsir, Mukhtasar, de l'imam Sa'adi, rahmatullah alayhi, fi kalim, fi qawlillahi ta'ala, ba'suhum baynahum shadid, tahsabuhum jami'a, wa qulubuhum shatta, dhalika biyannahum qawmun la ya'qilun. Hein? Leurs dissensions internes sont extrêmes, tu les crois réunis, alors que leurs cœurs sont divisés. Et cela parce qu'ils sont un peuple qui ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas. فماذا قال ذاك الإمام في تفسيره؟ قال بأسهم بينهم شديد. Leurs dissensions internes sont extrêmes. ما معنى هذا؟ أي بأسهم فيما بينهم شديد. لا آفة في أبدانهم ولا قوتهم وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم إجماع أو اجتماع كلماتهم. Donc il dit, ces dissensions sont dures entre eux, pas pour, comment dire, un fléau qui aurait dans leur corps ou dans leur force, mais tout simplement pour une faiblesse de foi qu'ils auraient. Là, ils ont une faible foi, ces gens-là. Et que leurs paroles ne sont pas unies. Ils sont divisés, à la base. D'accord ? À la base, ils sont divisés. « وَلِهَذَا قَلْ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا هِنَ تَرَاهُمْ مُجْتَمِعِينَ مُظَاهِرِينَ » Donc toi, tu les crois unis. Quand tu les vois soudés sur quelque chose, hein, rassemblés, en apparence. Toi, tu crois qu'ils sont unis, tous. Même les koufars, à la base, ce verset, le ma'an al-asr, les koufars, akin, yun tabiq ala jamia man khalafa al-kitab wa sunnah. Que les versets ne sont pas forcément applicables sur la personne désignée par le verset, mais al-ibara bil-umum wa lisa bil-sabab. On prend en considération les termes prononcés et non pas la cause du verset en soi. D'accord ? C'est-à-dire que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne des versets dessus, il s'exprime pour les koufars, ou les munafiqin, et ces versets-là sont applicables pour autre que eux. On ne dit pas que c'est les koufars, les gens, tu vois, ou ce genre de choses, mais la règle à tirer de ce verset et la sagesse à en tirer s'applique sur toute personne qui se mettrait à contredire le kitab. Naam. Donc même les gens de la passion, ils ont un shibh avec les koufars, du fait qu'ils suivent leur passion, ils ont délaissé la vérité. D'accord ? Mais chacun son degré, bien sûr. Donc de là, les gens des passions, des hawa, tu les vois, tu les crois unis, et en vérité, ils sont divisés dans leur cœur. Et là, on le voit, tamam. ولكن قلوبهم شتى اي متباغضه مفترقه ومتشتته que leurs cœurs sont divisés, c'est-à-dire il y a entre eux de l'animosité, de la division et de la séparation. نعم بينهم قوم لا يعقلون, car ils sont un peuple qui ne raisonne pas. S'ils avaient raisonné, ils ont pris le haq depuis le début. Mais seulement le problème, c'est ça, c'est que les gens des passions, eux, leur truc, c'est de prendre ce qui convient à leur hawa. Et non pas le kitab wa sunnah. Donc là, cette risa là, intahak kalam al-imam Sa'adi. Bi tasarruf wa ikhtisar. Donc il dit, hafizallahu ta'ala, il a appelé cette risa là, risa là il est al-mugharrar bihim min adba' al-jabiri wa al-adani wa falkos. Donc c'est une lettre pour ceux qui ont été dupés parmi les suiveurs de Jabiri en Bayt, Al-Adani Abdurrahman et Firkos, du Jazair. Bien que dans cette lettre, il ne parle pas trop de Firkos. Mais lui, il vise, comme il est là-bas, que des gens sont servis de cette fitna pour défendre Firkos. Alors qu'à la base, Firkos n'avait rien à voir avec la fitna d'Al-Adani. Firkos, il a ses erreurs à lui, qui ont été également clarifiées et démontrées par les gens de Maj, Bifad Lillah, Cheikh Saïd Taaz, Cheikh Youssouf, Cheikh Rémi et d'autres. Et eux, pour pouvoir défendre leur shir, ils ont pris les choses injustement imputées à Shir Yahya pour pouvoir le faire tomber et le discréditer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à la base, Firkos, c'est rien à voir avec la fitna d'Al-Adani. C'est autre chose. Pas te mélanger. فَسَمَّعَ تَفَاقُتْ وَتَنَاحُرْ اَتَّعِنِينَ فِي أَلِ سُنَّةِ بِدَمَّاجِ وَشَيْخِهَا. Donc il dit, تَفَاقُتْ c'est le fait de tomber les uns après les autres. D'accord ? وَتَنَاحُرْ c'est les tanazur, c'est les litiges, les querelles, les disputes. De ceux qui diffamaient les gens de la sunna ad-damaj et leur cheikh, c'est-à-dire Cheikh Yahya. وَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Et nous avons mis entre eux l'animosité et la haine. Yani dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela va apparaître dans les faits qu'il citera dans cette risale. وَالثَّبَاتَ الْعَلَامَةِ الْحَجُورِ وَيْخْوَانِهِ. Et la fermeté de l'alama al-hajuri. Et l'alama, on l'appelle l'alama, et on voit qu'il mérite d'être appelé comme ça. Hein? Quel que soit ce que disent les gens, c'est pas du roulou, c'est une réalité. Les faits démontrent que Cheikh Yahya a une science, une grande science, et qu'il applique sa science. C'est peut-être pour ça qu'il est prouvé aujourd'hui. Énormément. Et quand on dit l'alama, c'est pas pour le mettre au-dessus de son niveau, ou par fanatisme. C'est qu'on a vu réellement qui il était. On voit son grand nombre d'ouvrages, ses khutub, ses muhadara, ses nasiha, comment il est, et surtout les affrontements qui ont lieu avec les hawa. On voit que cet homme-là, c'est un homme, jusqu'à présent, Allah yahfaza, les sabi ma'soum, mais c'est un roc. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, un roc c'est un rocher. Jusqu'à présent, on a vu ça de lui. Et on a vu de lui, Essidq fil kalam, parce qu'il parle des véridiques. Il peut se tromper dans ce qu'il dit, mais son but c'est pas de te tromper ou de te berner ou ce genre de choses. On a eu de lui le sitre dans le kalam. Et on a eu aussi de lui le tawadu. Si il a arto péché, il t'arrache. Quand une chose lui démontre qu'il se trompait, il revient. On l'a vu plusieurs fois dans les douloureux. Contrairement à ce que les gens veulent faire comprendre de lui, qu'il aime être vanté, qu'il est orgueilleux, ce genre de choses, ceux qui l'ont côtoyé l'ont vu, de leurs propres yeux, voient que ce n'est pas vrai. Sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, donc il dit la fermeté de l'alam al-hajuri et de ses frères. C'est-à-dire tout l'âme qui est autour de lui et tous ceux qui ont ce qu'on a. Parmi les gens de Al-Sunnati wa Jama'a. Inna fi dhalika al-ibratan li ulil absar. Il y a ça dans cela, une expérience à prendre pour les gens dotés de clairvoyance. C'est-à-dire tout ce qui se passe là, ce qui s'est passé, il faut en prendre l'expérience. Et non pas faire comme si c'était un été, faire l'autruche comme on dit. Ce qui s'est passé là, prendre l'expérience. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce n'est pas la dernière. C'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour ses serviteurs, que tu seras éprouvé par les gens du faux. Cette fitna en est une, et le drainera plus tard, la sallallahu alayhi wa sallam bitana, pire que celle-ci. On peut pas croire là c'est fini, khalas, tout redevient calme. Non, c'est une période. Tu as une période de calme qui revient, et après, une fitna plus grande va apparaître. C'est une série qui s'enchaîne. Pourquoi ? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse éprouver la sincérité de ses serviteurs. D'ailleurs, là, dans cette fitna-là, tu as vu des gens qui étaient à la sabbat. Dans la prochaine, tu les vois peut-être tomber. Inch'Allah, yahfazana kunna min haoula. Donc, comme je te dis, aujourd'hui apparaît des paroles à droite, à gauche de ces gens-là, les uns sur les autres, surtout sur l'Adani. Maintenant, il se fait dévoiler par ceux qui le soutenaient auparavant, qui étaient ses complices, qui étaient prêts à frapper pour lui. Comme dans le Mursal Bayyin, cela a été écrit. Des gens sont fait insulter, frapper pour l'Adani. Aujourd'hui, comme on dit, kama tudin tudan. Que maintenant l'Adani subit ce qu'il a fait subir à Cheikh Yahya dans son marquez. Que c'est tout l'aide se rebelle contre lui. Après que lui, bien sûr, les ait trahis par contre, il s'est vraiment passé un fait. Et aujourd'hui maintenant, ben, les gens qui étaient avec lui contre l'Hajjouri, ben maintenant sont contre lui. De la même façon. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont réellement des choses à prendre contre lui. Parce que l'Adani à la base, c'est Hizbi. Donc il a des erreurs. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Après cette tue sur lui, on va prendre ces erreurs qu'on sait qui existent depuis longtemps, on les connaît. Et maintenant, on fait ce qu'on le conseille et on le dévoile. Alors vous avez déjà été devancé, pas autre que vous. Et à cette époque-là, ceux qui vous ont devancé, vous en preniez à eux, injustement. Donc là, il va parler de ça à peu près. Non. Pour montrer que ces gens-là ne sont pas du tout des nansihin, mais elles des rachachin. Ne sont pas des conseillers, mais sont des escrocs. Après qu'il ait fait khutbat al-haja, yaqul. تحت هنا فيقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقاء et toutes les références, celui qui veut les références, il revient à la malzama d'origine, il les trouvera. Donc il dit dans le sens que Allah dans le sens il dit le jour où se blanchiront des visages et se noirciront des visages. Qu'Ibn Abbas il a dit de ce verset que se blanchiront le visage des gens de la sunnah et se noirciront le visage des gens de la bid'ah et de la division. Et je me rappelle que notre shir dans un dirs a dit que cette parole là Le coul là, il n'est pas sabit de lui. Le marna est sahih, mais le coul n'est pas sabit de lui. Non. Faqol, après il cita une parole, mais il n'a pas mis la mienne à la fin. De l'imam Sam'ani. Tout ce que tu vois là, ce paragraphe là, c'est qu'elle est de l'imam Sam'ani. A savoir que dans la liste là, je ne vais pas tout traduire. Comme je l'ai déjà lu, des parties je vais dire directement en tarjama ou des parties en résumé pour essayer de gagner du temps, Inch'Allah. AMC, c'est Nasil et le Maqsoud. Revenir à l'objectif. Donc la parole de Sam'ani qui cite, c'est qu'en fait, les gens de la Sunna, ils ne font rien d'avancer sur les preuves de leurs avis, de leurs passions ou des comparaisons avec analogie sur la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les sujets de la religion. Hein? Qu'il s'agisse des informations, des règles, et ainsi de suite. Et également, cela pourquoi ? Car les gens de la Sunna, leur référence n'est qu'une. Ils se basent tous sur une même référence, un même point de retour, qui est le Kitab ou la Sunna, avec la femme de Salaf Saleh, la vraie. C'est pour ça que tu ne les vois pas à la droite, à gauche, tous sur un même droit, une même voie. D'accord ? Quand tu lis tous leurs livres, les gens de la Sunna, qu'ils soient de différents pays, qu'ils aient différentes langues, ce genre de choses, tu vois que leur parole est la même, à chaque fois. Il n'y a pas de khilaf entre eux. Du moins de khilaf d'opposition. Des fois, tu peux avoir un khilaf de mas'ala, c'est possible, mais le asl, sur le usul, ils sont muttafiqoun, la même chose. Ils marchent sur la même règle, la même compréhension. Car, comme on a dit, ils prennent leur religion d'une même et unique source. Donc leur parole est unique. Ils sont liés. Ils sont soudés. Naam. Et cela pourquoi ? Car ils marchent sur une voie qui coordonne, qui est conforme à celle des salafs, ne contenant aucune divergence et aucun désaccord. Et aucune contradiction. Wa qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min 'indi 'aynillah la wajadu fi ikhtilafan katheera. Wa yaqulu ta'ala إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc il dit dans le sens, ne médite-t-il pas sur le Coran, car s'il provenait d'autre que Allah, tu verrais certes maintes divergences. D'accord ? Et il dit dans le sens également, il s'agit là d'un livre puissant, n'étant atteint par le faux, ni par devant, ni par derrière, descendu par un sage et un loup. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce livre, le Coran est infaillible. Et une hikmah et une huda, l'ibad. Donc celui qui y revient, la yodol, ne se perd pas. Non, il ne se perd pas. Il est allé le sh'an des gens de la sunna. Naam. Ensuite, plus bas, il cita un affaire de salaf dans lequel il dit Roulette alayya saif, marrat, la yukolli irjir an madhabik, walakin yukolli uskut an man khalafak, fala askut. Qu'il dit que l'épée a plusieurs fois été exposée, dégainée, yani pour se faire tuer. Mais cela n'a pas été fait pour me dire de revenir dans ma religion. Tout simplement pour me dire d'arrêter de parler sur les gens qui seront opposés à moi, c'est-à-dire à la vérité. Il dit, je ne me tairai pas. Tu vois, là on te menace pas pour que tu te taises de l'islam, ou tu t'apostasies. On te dit, arrête de parler sur un tel. Un tel qui a transgressé la religion. Eh ben non. Tu pourras lever l'épée, je ne me tairai pas. Hada, minbeb, kolil nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha. Wa kolil nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra minkum munkara, falu yughayyir biyadi, al-hadith. Et celui qui voit mal, qui l'échange par sa main, il le dit, c'est la nasiha. Voyez. Thumma qala, hafidhallahu ta'ala. لقد ضرب ألسنة بالدماج وشيخها العلامة يحيى الحجوري وطلابه وإخوانه من ألسنة أروع الأمثال بموافقهم الفعلية والكولية في نصرة السنة في دفع باعي الحوثيين عنهم وعن دعوتهم ومركزهم وأنفسهم وصبرهم العظيم وثباتهم الذي حارت في الدول بتمسكهم بالسنة وقيامه بها. فنصرهم الله على عدوهم فلم يستطيع دخول الدار ونيل ماربهم حتى جاء قرار حاكم البلاد بخروجهم فخرجوا دعاة لأولي الأمر وحقنا لدمائهم وهم شامخوا الرؤوس بأنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم فكان في ذلك نصر عظيم لهم. Donc il dit que les gens de la Sunna de Mej ont certes donné un exemple, ainsi que leur cheikh et les toulab, gens de la Sunna, l'exemple le plus pieux qu'il est, du fait qu'ils sont en concordance dans leurs actes, dans leurs paroles, dans le secours de la Sunna. Leurs paroles, leurs actes coordonnent avec leurs paroles. Et cela comment ? Comme plus grande preuve, lorsqu'ils ont repoussé l'injustice et la tyrannie des Houthis sur eux et sur leur da'wa et leur merkez. Et cela par leur personne. D'accord ? Par leur personne. Comme tu le sais, les affrontements qui ont lieu là-bas, des frères ont été tués, blessés, des biens détruits, ainsi de suite. Et malgré cela, alhamdoulilah, les gens de la Sunna ont tenu et ont fait face. Ils ne sont pas sauvés. Adabi fadillahi wahda. Et cette sobre, justement, cette patience qui a rendu stupéfait des pays entiers. Du fait qu'un petit groupe comme cela ait tenu face à un si grand complot. Alors qu'à la base, des gens, ils n'avaient rien du tout. Tu vois ? Ils n'avaient rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus de leur ennemi. Celui-ci n'a pu rentrer un empan dans le village. Comme tu le sais, ils étaient autour, ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas pu rentrer. Tout ce qu'ils avaient comme force, ils n'ont pas pu rentrer. Adam ifadlillah. Kazalik. Jusqu'à ce que quoi ? Vienne un décret du gouverneur qui leur ordonna de sortir. D'accord ? Alors eux, ils sortirent par obéissance au gouverneur. Déjà pour faire taire ceux qui disent que Adam il y a des khawarij, je sais pas quoi. Hein, que Adam il y a des khawarij, ben déjà ça c'est une grosse hujja. Et cela pour préserver leur sang, ils sortirent la tête haute. Ils ne sont pas sortis comme ça, tu vois, abaissés, humiliés ou en fuite. La tête haute, hein, avec leurs personnes, avec leurs biens, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et cela a été un grand secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Non. Maintenant, est-ce qu'il y a la preuve que le fait de sortir de ton ennemi, même si tu ne l'as pas vaincu et tu n'as pas eu sur lui, c'est un ancien, c'est un secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand la ta'ala, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Dans le sens où il dit, nous avons certes gratifié Moussa et Haroun et nous les avons sauvés ainsi que leur peuple de la grande affliction. Hein? Et nous les avons sauvés et furent eux les vainqueurs. Qala al-'Allama ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi 'inda hadhihi al-aya fi tafsirih. Wa takhallus min 'aduwwi yusamma nasran wa fathan wa ghalba kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Mu'ta hina kanat raya ma'a Zayd ibn Haritha. ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب كانت مع عبد الله بن رواحة كلهم قتلوا رضي الله عنهم قال فأخذها خالد ففتح الله على يديه وخالد رضي الله عنه لم ينتصر على الروم ولم يرغبهم ولكن نجا منهم فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النجاة فتحا كما سمى الله تعالى هذا هنا نجاة موسى وهارون وقومه من فرعون أنها نصر وغلبة. Donc Cheikh Uthaymeen, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il dit ? Que le fait de se débarrasser de son ennemi, de sortir de son milieu, cela est appelé un secours, une conquête et un triomphe. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans une conquête, celle qui était contre les Roms, la grande conquête qui est contre les Roms, après qu'il a envoyé un messager vers eux, qu'il les tuait. Le Nabi Salam a envoyé une troupe vers eux. Les Roms ont entendu avec une troupe d'au moins 100 ou 200 000. Troupe énorme. Qui prouve la peur qu'ils avaient. Le Nabi Salam avait envoyé, je crois, 3000 hommes. D'accord ? Donc il a mis à leur tête Zayd ibn Harith, qui portait l'étendard et qui fit tuer. Ensuite, Ja'far ibn Abi Talib, qui a repris la relève, a pris l'étendard et fit tuer. Ensuite, Abdullah ibn Rawah, il a pris l'étendard et il fit tuer. Trois. Quatrième, c'est qui ? Khalid. Khalid, il a pris l'étendard. D'accord ? Et il a tenu tête au Rom, qui est un nombre énorme. Après, ils se sont consultés. Quand ils ont vu le grand nombre qui étaient les ennemis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est réalisable pour nous ? Et après, Khalid, bitawfiq illah, a trouvé une stratégie pour, dans les combats, il a fait une stratégie de guerre qui fait que les Roms ont été perturbés. Ils ne savaient plus combien étaient les musulmans. Ils imaginent qu'ils étaient un nombre énorme. Les musulmans ont fait repartir. sans que les hommes ne les pourchassent. À la base, ils allaient se faire, comme on dit, le nombre qu'ils étaient, ils allaient, tu vois, en apparence, ça allait être la défaite. Et malgré cela, ils ont réussi à sortir avec peu de dégâts. Et les hommes ont eu peur. Ils n'ont pas cherché à les rattraper. Donc là, cela a été appelé un triomphe. Alors qu'à la base, le triomphe, c'est quand tu viens chez l'ennemi, que tu le fais tomber, que tu prends place, et Kaza qui se rend, qu'il se rend. Et pourtant, c'est pas ça qui s'est passé. Et malgré tout, cela a été appelé un triomphe. Un secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc il dit وفي موافقهم في دفع فتنة الثائرين على دعوة سلفية من الحزبيين سواء من من دبروا للفتنة من خارج أو من الحزبيين الذين جقوا عن دار الحديث بالدماج. Donc il dit également, ils ont été secourus dans quoi? Dans leur le fait qu'ils aient repoussé la fitna de ceux qui l'ont provoqué sur la dawa de Salafiyya parmi les Hizbi, qu'il s'agisse de ceux qui ont manipulé et mis en place cette fitna depuis l'extérieur, ou de ceux qui étaient au sein du centre, et qui s'en sont divisés. Et là, c'est une question qu'on pose à ces gens, d'accord, qui disent que ce qui arrive à des Medj, c'est à cause de vos péchés. Qu'on pas trouver autre chose à dire. Je parle là principalement des Maftoun et des Hizbi qui étaient au Yémen. Les ignorants en France, c'est... Inch'Allah, on ferme les yeux, on dit qu'ils ont été contaminés par ce virus, ils savent pas ce qu'ils disent. Mais t'en as, ils savent très bien ce qu'ils disent. Des gens qui étaient au Yémen, parmi les gens qui étaient à Demmedj. D'accord? Et qui ont dit ça, c'est à cause de vos péchés. Je ne sais quoi. Ceux qui étaient au Feyouche, par exemple. Ils sont où maintenant? Comme tu le sais. Ils sont fait expulser, Feyouche. Est-ce qu'ils sont tous rentrés en France? Je ne sais pas. En tout cas, leur cheikh les a trahis, les a vendus, il les a dégagés. Le cheikh pour qui? Ils ont fait une fitna à Demmedj. Pour lesquels ils ont un khayl énorme, ils étaient en train de faire talabelaïm dans la sakina et tout, ils sont partis pour pouvoir le secourir à lui et abandonner leur frère. Ils disaient quoi? Quand les Houthis étaient en train de faire leur injustice, c'est à cause de vos péchés. Vous parlez sur les savants, c'est à cause de vos péchés. Vous payez le prix, vous payez les pots cassés, ainsi de suite. On dit maintenant, taïeb, là vous avez une preuve qu'il y a eu un secours qui a été donné. Clairement, min adillab kitab wa sunnah. Les gens demain, j'ai été secouru par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes où vous maintenant? Bah, tout maintenant. C'est à cause de quoi vous êtes sorti de Feyouche? C'est à cause de vos péchés. Dans votre théorie, c'est à cause de vos péchés. Et nous, on n'a pas un doute que vous avez fait un zulm énorme. Et un khuzlan énorme. Vous avez abandonné le haq. Dans la da'wah. Et dans le jihad. Vous avez tout abandonné. Donc maintenant, on dit quoi? Vous êtes où, vous, maintenant? C'est Allah qui vous a secouru? Vous allez dire, ouais, Allah nous a secouru, on est sorti de Shil Adani, alhamdoulilah, on est sorti de Tefout. Vous êtes fait jeter comme des malpropres, comme on dit. Il y a un décret qui est venu, soi-disant gouvernemental, que tous les Rouraba du Yémen doivent sortir. On a vu que vous sortir. Puisqu'à présent, on a vu que les gens de Fiouche qui sortent. Les gens des autres Marrakech, j'ai pas entendu qu'ils étaient expulsés. Ceux de Fiouche, hop, à la porte. Et maintenant, ils sont où ces gens-là? On va dire de façon générale, ils sont en France. Je parle des Français. Ils sont en France. Ils étaient à Demmedj, dans un lieu salafi, pour Talab al-Ilm. D'accord? Dans la Sakina et l'Ozo. Dans un pays d'islam. Et un village salafi, eux-mêmes le disaient. Pour le Hajjouri, et pour sauver la Hadani, ils n'ont pas tenu, soi-disant. On reste pas ici. On reste pas ici, nous. On laisse tout, on vend nos maisons, on vend nos biens, et on va au Feyouche. Ou peut-être même certains sont rentrés en France, ou je suis allé, je ne sais pas où. On reste pas ici. On supporte pas. C'est trop injuste, ici. On a peur que, à la descente d'un châtiment, qu'on soit au milieu de ces gens-là. Maintenant, on parle de ceux qui sont en France, là. Qui sont avec les Assad de Jésus Charlie, là. Quand je dis ils sont avec eux, pas dans le sens qu'ils cautionnent, mais ils vivent avec eux. Tu vis au milieu de gens qui ont fait une caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont blasphémé. T'arrives à tenir avec eux? Pourquoi tu pars pas? T'arrives à tenir avec eux? Non, ça fait des années qu'ils sont en France. À des mecs, ils ont pas tenu. Tu vois? Ils ont fait un an, deux ans, à la fin, ils arrivent, ouais, je tiens pas ici, c'est une injustice, le hajjouri est trop dur, et ces fanatiques, c'est trop des criminels, je reste pas ici. Ah, tu restes pas ici, mais tu restes en France. Là, on a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Celle pour qui, à la base, Shal'an, celui qui l'insulte, on le tue. Celui pour qui tu dois aimer et détester. Celui pour qui tu es prêt à mourir. Tu mets ces gens-là et tu vis normalement avec eux. Mais quand c'était pour le Hajjouri qui parlait de la Hadani, t'es pas supporté. On te demande ta akida, elle est où, là? Tu vois un peu ces gens-là, comment ils sont? Tu parles de ceux qui sont en France, hein. Et qui bougent pas. À des mecs, t'as pas tenu, soi-disant, pour le haq. Hein? C'est trop une injustice. Je reste pas avec eux. Mais là, on insulte Allah, on insulte son messager, il y a les églises, il y a les synagogues, il y a je sais pas quoi comme façade, t'arrives à rester là-bas. t'arrives à tenir. Adib. Tu vois. On te demande, il est où ton ikhlas, tu vois, dans ce genre de choses. Et là, c'est une fadiha pour ces gens-là. Tu vois. C'est une fadiha. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, poursuivant en disant, ومنذ خلف شيخنا يحيى كرسي الإمام الوادعي رحمه الله تعالى ويزدع بالحق بما استطاع بأدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف. Donc il dit que depuis que Cheikh Yahya a été s'est fait succéder sur la chaise de l'Imam al-Wadi'i Cheikh Mokbil رحمه الله تعالى, et lui il prononce tout le temps la vérité Cheikh Yahya depuis le début, d'accord, comme il peut avec les adilla du kitab wa sunna. Là il fait un khulasa des fitna qu'il y a eu. En premier, il y a eu celle de Abul Hassan, dans laquelle il a été ferme le premier à parler. Et malgré cela, que le Matrali, Rabbi al-Matrali, disait de se taire. Il s'est pas tué depuis le début. D'accord ? Et également que Abul Hassan était défendu par Al-Kabkaba Ashab al-Ibana. La foule là, la lejna là de Ashab al-Ibana. Ce qu'on appelle les machères du Yémen. Et cependant, Cheikh Yahya n'a pas changé de position. Il restait ferme. Après, il cite que même Abul Hassan s'est servi de cette défense à sa faveur, d'accord, et malgré cela, il a vu, il a été tourmenté de voir que le Hajjouli ne bouge pas. Il continue à parler sur lui. Ça, ça l'a perturbé. Il dit, attends, regarde, il dit ça. J'arrive, il n'y a pas. Tu peux ramener qui tu veux, il n'y a pas. Je sais ce que tu as fait. Et j'en ai une preuve. Justement, c'est une phase que Cheikh Yahya a donnée dans, je ne sais pas, tu étais là déjà. Il avait dit quoi ? Voilà où je t'aime à. Jamais l'ulama allait l'ard à la anne l'adam ni sabi'isvi, ma wafiko. Parce que tous les savants de la terre venaient et disaient que l'adam ni sabi'isvi, je ne vais pas les écouter. Et les gens ont pris cette phrase, regardez ce qu'il dit le hadjuri, et regardez comment on dit que même si tous les savants de la terre, c'est-à-dire les khalaf l'ijma. Tu vois ? C'est pas l'ijma, il n'est pas d'accord avec eux. Lui, il a des preuves. Ils ont dit, oh, ça c'est du roulou. Et bien regarde aujourd'hui. Ils vont dire quoi ces gens-là ? Maintenant vous parlez sur l'adani. Donc il avait raison. Donc vous dites quoi maintenant ? Il y a une tauba, il y a des excuses, il y a un irtilaf, il y a une reconnaissance de tort ? Non. Non. Ça c'est l'orgueil. Donc il dit, malgré tout cela, Abul Hassan avait, parce que tout le monde avec lui, Shahir il n'a pas bougé. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Hop, Abul Hassan, tout le monde s'est retourné contre lui. Galalik, il cite ce qui s'est passé avec Farih al-Harbi, en Saoudi, qui s'est mis à parler sur le savant. Entre autres, parmi eux, et Cheikh Mokbil, rahimahullah ta'ala, où il dit que la science de Cheikh Mokbil ne vaut pas un ongle de mon orteil. Voilà. Et il a parlé sur plein de trucs. Enfin, non, à la main aussi. Il s'est passé quoi, là? Cheikh Yahya, il a réagi direct. Il a vu le rouleau qu'il avait dans cet homme, donc il a parlé. Qu'est-ce qu'il a vu pour le défendre? Rabbi al-Matrali, le Ninjadi. Pas sur lui, Kaza et Kaza. À la fin, ce qui s'est passé, c'était le conflit entre Al-Harbi ou Al-Matrali. Mais Cheikh, j'ai fini, moi, j'ai fait mon travail. Alhamdulillah, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ma nasiha, j'ai fait mon bayel. Fallait m'écouter depuis le début. Enfin. Après, il y a eu quoi ? Fitnat al-Bakri. Salah al-Bakri. Lui aussi qui avait du rouleau. Il était parmi les toulades de Demedj. Qui avait commencé à faire une fitna qui était liée au rouleau également. Qui parlait sur les machères, ce genre de choses. Et qui a fait sa fitna, qui elle-même s'est propagée dans différents pays. Et même lui, à ses débuts, Al-Matrali l'a défendu. Une fois de plus. D'accord ? Al-Matrali le défendait aussi également. Et malgré cela, Cheikh Yahya ne s'est pas tué sur lui. Et la finale, sa fitna a été dévoilée. Et jusque dernièrement, avant le Hissar, mais qu'il n'ait pas fait une vraie tauba ni rien, des akhbar nous venaient que Cheikh Rabi l'accueillait toujours chez lui. Et lui, à un moment, il a fait un double jeu. Il a fait croire que, qu'il voulait faire un faux semblant de retour de sa fitna. Et la fitna, en fait, non, il s'est remis à parler sur Cheikh Yahya aussi. Et après, il s'est mis à parler sur les autres machires du Yémen. Après, il dit, après ces gens-là, est venu le tour de qui ? D'Al-Alani Abdurrahman. Qui a été poussé, Bichir et Tessou, par, on va dire, une mauvaise équipe, quoi. الذين كانوا لا يرتضونه ولا يرضون الوصبي والإمام والزماري والبرعي ويتعنون في منهجهم وسيرهم كهاني بوريك ومصطفى مبرم وعرفات البرمكي ومحمد غالب وعلي الحذيفي وغيرهم ومن كان وراءهم في ذلك كالجابري وعبيد ومن الله أعلم به. Donc il dit, donc après c'est venu le tour de Al-Adani avec son frère s'est fait plus discret que lui. Abdullah était plus discret qu'Abdurrahman, mais il était dans l'équipe. Et qui, Abdurrahman, lui, a été poussé par la mauvaise équipe. Cette équipe même qui, à la base, ne l'aimait pas lui. Les gens qu'il va citer, là, c'est des gens qui, à la base, ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas Abdurrahman. Il a juste été une marionnette entre leurs mains. Et également, il n'aimait pas Al-Wasabi. Il n'aimait pas Mohamed l'Imam, ni Al-Zamari, ni Al-Bula'i. Ils n'aimaient pas les machirs du Yémen. Ils n'aimaient personne. Mais ils ont fait style pour pouvoir monter et mettre en place leur complot, se lier avec eux contre Al-Hajjouri. Donc, à l'époque, ils diffamaient leur manhaj et leur parcours. Comme qui? Comme Hani Bouraïk. Tu vois? Mustafa Mbram, Arafat, celui qui écrivait sur le nom de Barmaki, pseudonyme, Arafat al-Muhammadi, là, avec le Khabith, Kazab, ou Mohamed Gharib, ou Ali Huzaifi, et autres. Et ceux qui étaient derrière eux, comme Al-Jabiri, et autres que Allah est plus savant de qui ils sont. La preuve de cela, c'est qu'Aboul-Ali lui-même a sorti un audio, il n'y a pas trop longtemps, après que Al-Jabiri ait mis en garde contre Mohamed al-Imam, par rapport à Al-Wastiqa et Abdurrahman al-Adani. Al-Bula'il a sorti un audio, comme il fait à son habitude, dès qu'il y a une situation périlleuse, c'est lui qui sort, qui parle, tu vois, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il a été désigné pour ça. Et à chaque fois, il dit franchement des choses, elles sont absurdes, elles tiennent pas debout. Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran am yasmut. Franchement, des fois, le silence est beaucoup mieux. Donc lui, il a toujours la fâcheuse manie de toujours apparaître au moins qu'il faut pas apparaître. La situation, elle est claire, elle est wadiha, il vient sortir un audio pour pouvoir essayer de lisser, d'essayer d'embellir, de ramollir, je pense, en fait, dans le mal. Donc, dans ce studio-là, il dit bien. الشيخ عبيد ليس براض عنه ولا عن مشايخ اهل السنه من قبل الوثيقه. Que la vraie raison pour laquelle Ubayd y parle, c'est pas le wathiqa. C'est pas la feuille. La wathiqa, c'est la feuille qu'il a fait Mohamed al-Imam avec les Hussein. Il a dit la vraie raison, c'est pas ça. C'est qu'on sait, ça fait longtemps qu'il ne nous aime pas. Ça fait longtemps qu'il ne nous aime pas. On le sait très bien. Et là, il cite des faits. Qu'ils sont partis visiter il y a longtemps, qu'il n'a pas voulu les accepter, je ne sais pas quoi, tu vois. Il dit, on sait très bien qu'à la base, ils ne nous aiment pas. Juste là, il a pris cette wathiqa comme couverture. Pour sortir ce qu'il avait enfin en lui. Et on disait quoi, nous, à des mèches, depuis longtemps? Mais il dit, vous aime pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu le dis? Maintenant qu'il parle sur Mohamed al-Imam, tu le dis. On vous disait, il dit avant, il vous aime pas, il aime pas la Dawa du Yémen, il aime pas Chamokbil non plus, seulement ils font style, parce que Chamokbil, on peut pas s'en prendre à lui. C'est trop une montagne. Tu vois, trop reconnu. Donc on s'en prend à qui? À ses élèves. Même Chamokbil, il l'aime pas. La preuve, Al-Bukhari, ce qu'il a dit, ça prouve qu'il l'aime pas à la base. Chamokbil. Ils sont jaloux de la Dawa du Yémen. Donc là, Boulaï, il a bien dit, ouais, on sait que les Jabil nous aiment pas. On dit, ouais, on le sait, nous aussi. On vous l'a dit déjà avant. Et quand il est au Yémen, vous avez fait quoi? Oh, cher Obeid, viens chez nous, oh, cher Obeid, cher Obeid, cher Obeid. Allez, ouais, et maintenant qu'il vous tape, vous parlez sur lui. Tu vois? Depuis le début, on vous a bien dit qui il était, qu'il est venu pour appuyer Abdurrahman, pour taper la dawa salafia au Yémen. Et vous, au lieu d'écouter la nasiha, vous êtes mis dans ses côtés, dans ses rangs. Et aujourd'hui, vous vous tapez les uns les autres. Alors qu'on l'a dit au début. L'accueillez pas chez vous, il le dit, Shaykh. Ya Sheikh Soum Ali Hafizakallah. أناشدك الله أن لا ترضى بالشيخ عبيد ينزل في مركزك فإنه سيشوه أخشى والله أن نتهاجر أنا والشيخ الصوملي والشيخ الإمام والشيخ عبد العزيز البرائي نحن وإخواننا نتهاجر من أجل يعني انضمامهم أو ماذا أو استقبالهم لهذا الذي يسعب شق الدعوة عن إحسان ظن واسع هذا إحسان Ne l'accueillez pas chez vous. La nasiha il l'a faite. Ne l'accueillez pas chez vous. Je vous conseille de ne pas le prendre chez vous. Vous allez voir dans quelques temps ce qu'il va vous faire. Et ça n'a pas loupé. Regarde. Aujourd'hui, maintenant, il les tape tous. Et en particulier, Mohamed al-Imam. Bien qu'on dit que le calendrier de Rebelle, c'est vrai, il est vrai. C'est des gens là, c'est des Mouayyoun. Les machères du Yémen, c'est des Mouayyoun. Et Libana, c'est la plus grande preuve. Kitab al-Libana, c'est la plus grande preuve. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils font une lejna, on se réunit, on fait des réunions ici à droite à gauche, on se concerte, on sort un BIN, et à la fin, le BIN, il sert à rien du tout. Juste une feuille gaspillée dans l'imprimante. Ça sert à rien. Il n'y a pas de faïda dans leur bayan. Rien, mon frère. Juste pour dire, on est organisé entre nous. En fait, ils ont cru qu'ils étaient, comme ils sont nommés sur le testament de Shah Mokbil, rahimahullah ta'ala, ils ont cru que classe, c'est eux qui tiennent tous les trucs du Yémen. Faut revenir que à eux. Mais non. Dans le khay, de ce que vous pouvez faire, on vient à vous. À la base, si vous étiez resté sur le khay, Mais arrêtez de croire que vous êtes une tamponnée, il n'y a que vous au Yémen, il faut revenir. Vous connaissez tout, c'est vous qui faites les fatawa et tout. Il y a des gens qui ont plus de chance qu'eux aujourd'hui. Cheikh Abu Amr, Fassalen, Cheikh Mohizem, Cheikh Jamil, il a plus de chance que ces gens-là aujourd'hui. Et pourquoi peut-être que la roue a tourné, comme on dit? Peut-être pour leur injustice, justement. Parce que même eux, les gens, les machins du Yémen, les gens, ils ont gonflé. Ils ont été gonflés par les gens. Les machins du Yémen, Roulem al-Yémen, mais ils ont un niveau, franchement, c'est pas. Voilà, quand t'écoutes les fatawa, t'écoutes les Doulous, regarde leur kutub, ils sont où? Par rapport aux gens des Medj, il y a quasiment rien. Il y a que Mohamed El-Imam qui a fait pas mal de kutub. Et même ces kutub, c'est pas des gros boulots ennemis, comme les gens le disent. Genre, par exemple, des tarkekot ou des choses comme ça, il a pas ça. On en a déjà parlé. Donc, faut que les gens ils arrêtent de les gonfler aussi. Et c'est ça qui amène à ce que les gens, des fois, ils dévient, c'est qu'on les gonfle. Donc, quelqu'un, il vient, il n'y a pas beaucoup, tu le gonfles, et ben, c'est le monte à la tête, à la finale. Il croit qu'il est je sais pas qui. Olem al-Yémen. Et à la finale, ben, ce sont les gens qui ont fait peut-être plus de mal au Yémen. Regarde dans le truc qu'il est dans l'enfidant, ils étaient où? Olem al-Yémen. Ils étaient où? Un mec qui est en train de manger bien, et ils disent, ouais, on pleure qu'on offre des mèches, les pauvres. Celui qui veut combattre, ben, qui va des mèches, mais sinon, elle est pas à Kitef, elle est pas, je sais pas où. Ben, comment ils vont rentrer, alors? Réfléchis à ce que tu dis, ils vont faire un tunnel sous la terre. Ou ils vont se faire parachuter par avion. Comment ils vont arriver à Damesh s'il faut pas faire un autre front extérieur qui vient pour aider? Comment ils vont faire? C'est des kalem, des fois tu t'adjab. Après on dit, oh, l'aime al-Yémen. Même un kafir, il écoute une stratégie, il dit, mais c'est quoi ça? Va aider la guerre, ne fais pas de renfort. Viens pas avec une équipe de renfort. Je sais pas comment on va faire alors. Et ils sont là-bas en train de manger, en train de boire tranquille. Un mec qui est en train de faire un hedge à leurs enfants tous les ans. Au lieu de rester ici, il décide de tenir les umur, je vais faire le hedge. C'est peut-être meilleur pour toi de ne pas faire le hajj cette fois-ci, là, de rester au pays et d'aider tes frères. Comme l'autre là, le Abdullah al-Adani. En plein jihad, en plein blocus, monsieur, il va en France faire da'wa. Il n'y a rien trouvé de mieux à faire. Soi-disant, un alim du Yémen, il y a un truc, des faits dans ton pays, grave, et toi tu vas en France faire da'wa. Et encore, quand on dit faire da'wa, on sait que cet homme-là, il a des trucs derrière. Tu vois, quand il fait un truc comme ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des machaïria derrière. Il y a des projets, des commerces. C'est pas... Toujours en France. En Europe, toujours dans les pays où il y a de l'argent. Adjib, ces gens-là. Et il y avait une feuille aussi sortie par Obed il y a longtemps. Déjà, il disait que les machiaires du Yémen avaient des trucs sur eux, à la base. Mais, il disait quoi? Ils sont 1000 fois mieux ou 100 fois mieux que Yahya al-Hajouri. Tu vois? Et il dit, le machiaire du Yémen, Molo fi mafi, Shadan Marana, des choses à reprendre sur eux, mais ils sont meilleurs que Yahya al-Hajouri. Parce que Yahya al-Hajouri, c'est lui la bête noire, comme on dit. Pourquoi c'est lui la bête noire? Comme ça va paraître, parce que c'est lui, on sait que, à la base, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, et c'est lui le plus ferme, comme les fitnas précédentes l'ont démontré. Alors que les autres, à chaque fitna, ils tombent. Donc on sait que eux, voilà quoi, c'est pas dur de les embobiner. Amal Hadjouli, lui, c'est un problème. C'est le cheveu dans la soupe, comme on dit. Lui, c'est l'obstacle. Ah bah, donc ils sont tous mis, le Hadjouli, il faut qu'on se mette tous ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. On se met tous ensemble, et on l'attaque en même temps. Même si on n'est pas d'accord, le but, c'est le Hadjouli, il faut faire tomber. Parce que lui, vraiment, il est... Ce petit hajjouli là, il va nous fatiguer. Et regarde le résultat. Ça, c'est pas le hajjouli en soi. C'est le haq, c'est tout, tu vois. Shayaha, c'est l'être humain comme les autres. Puisque Allah, la wafak, ils disent le haq à ce moment-là. Que soit le hajjouli ou un autre, le haq, si tu l'attaques, tu vas tomber. Tu vois, on dit pas shayaha, c'est le haq en soi. Non, jusqu'à présent, il était muwafak. Que le haq, il était en conformité avec le haq. Et là, sallallahu yumitahu ala dhalik. Qu'Allah, il fasse mourir là-dessus. Mais le haq en soi n'est pas par un homme ou deux ou trois. Le haq, si tu l'as, tu veux t'opposer au haq, tu vas avoir des problèmes. Tu vas pas y arriver. C'est pas possible. Même si vous venez avec toute la terre entière, hein, le haq, tu pourras pas le faire tomber. Tu pourras l'abaisser sur les gens un temps, deux temps, trois temps, et après ça va revenir. Toujours. C'est ce qui se passe actuellement. Ça revient. Donc il dit, en parlant de ces gens-là, ودفعوا بعبد الرحمن العدني لفتنتي وجعلوه في الواجهة وهم خلفه مستترون مؤججين ومشعلين للنار الفتنة فما كان عبد الرحمن العدني في الحقيقة إلا تابعا ولا مدبوعا. Donc ils sont médaillés عبد الرحمن العدني, ces gens-là, pour le pousser. D'accord? Pour le pousser. Ils l'ont mis au front, en devant de la scène, comme on dit, ils ont allumé le feu. Ils ont dit, c'est toi maintenant l'acteur principal, comme on dit. Et à la base, Abdurrahman, comme il dit là, à la base, c'est pas lui vraiment la tête. Lui, c'est un suiveur, à la base. Mais son nom a été mis en avant, on dit Fitnat al-Adani, parce que c'est lui le vecteur principal. C'est autour de lui que ça tourne. Mais à la base, c'est pas lui qui a mis tout ça en place. Il peut pas, lui, il est incapable de faire ça. il y a des gens derrière lui. Tu comprends? Et c'est eux vraiment qui ont fait la fitna. Qui l'ont bien mis en place, qui l'ont bien comploté, qui ont bien manipulé les gens. D'accord? Et ces gens-là, on a déjà... Ceux qui ont suivi la fitna, ça se bien qu'est-ce qui est derrière. Mais bon, ça vient dans son temps, Inch'Allah. Une fadiha, wadiha, que personne ne pourra. Là, c'est encore embrumé pour des gens, ils n'ont pas encore compris. Et ils ont compris, alhamdoulilah. Ce qu'on vient de suivre depuis le début, ils ont compris c'est qui est derrière, entre autres. Et ça, bismillah. Qal, wa qad abana dhalika ahlus sunnati bidamaj fi 'iddat kitabat ka mukhtasar al-bayan. Wa awdahu haqiqat hadhihi al-'alaqa wa maramiha wa nasahu lil-mughaffalin mimman inhada'u bi fitnatihim wa raja'a 'alayhim makruhum bi da'wat ahlus sunnati bidamaj hatta yusqituha wa yaj'aluha khadi'atan manhajihim al-jadid alladhi 'alimu bi anna ahlus sunnati bidamaj wa shaykhiha a'zam man yakun hajar 'asratan duna تنفيذ مخططي وحسنا منيعا للسنة وأهلها وصاروا عليهم حتى يسقطوها ويتسنى لهم ما يريدون. Donc là il dit quoi? Que les gens de Damaj ont bien cassé cette fitna depuis le début, et plusieurs livres, plusieurs écrits, entre autres le plus important c'est Mukhtasar al-Bayan, le fameux fascicule que personne n'a pu, ne serait-ce que répliquer une ligne. Ce qu'on attend toujours depuis des années que les vivants, on attend, répond à ça, ils n'ont pas pu. Donc ces gens-là, les gens de la Sunna d'Ahmed, ils ont dévoilé la réalité et les liens et le but de cette fitna. Ils ont essayé de conseillers pour les gens qui sont inattentifs, les mourafalines, ceux qui ont été trompés par cette fitna, et que ces gens ont comploté en vue de la faire tomber, d'accord, et de la mettre sous contrôle de leur manhaj, de leur nouveau manhaj. Et ce nouveau manhaj, ils ont su que justement leur plus grand obstacle, ça va être qui? Comme je disais tout à l'heure, ça va être Cheikh Yahya et c'est tout le même. Eux, ils avaient un complot en tête, un but à atteindre. Ils savent que ce but à atteindre, il y aura des obstacles. Et le plus gros obstacle, c'est quoi? C'est des matchs. Ils savaient. Donc, ils ont fait quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont réuni tous leurs efforts là-dessus. Et si ça tombe, le reste, ça suit. Comme le Houthi. Pourquoi le Houthi, ils ont commencé par des matchs après toi? Si des matchs tombent, le reste, ça va suivre. Cheikh Yahya a dit, si des matchs, vous ne venez pas défendre les mecs, vous allez voir les résultats dans tout le Yémen par la suite. On vous le dit. Et c'est pour ça que les Hawassés l'ont compris. Et ceux qui sont derrière eux ont compris que le plus grand obstacle d'abord, c'est les salafis. Et si jamais eux, on arrive à les disperser et à les dégager, il n'y a plus rien devant nous. C'est pas l'armée du Yémen qui va nous stopper. Tu vois. Et c'est pas les Awam qui vont nous stopper. Et c'est pas les Irouad qui vont nous stopper. Le plus grand obstacle, c'est les El-Sunna. Et leur cœur, il est où? À Damaj. Donc si on tue le cœur, on tue le corps. Ah, gars. Et ils ont compris ça même. Les Houthis l'ont compris, les Hizbis l'ont compris, beaucoup de gens l'ont compris. Mais il y en a, ils n'ont toujours pas compris. Ils ne veulent pas comprendre, tu vois. De Haddadi, Haddadi, Hajawi, tu n'as rien compris, toi. Il y a un complot qui se fait contre la Da'wah Salafia, l'islam de façon générale, et toi tu participes sans t'en rendre compte. Et on t'avertit pourtant. On te dit, arrête, rentre pas là-dedans au minimum, j'y risque au scout. Et regarde de loin ce qui se passe. Non, il y en a, ils se précipitent, ils veulent, j'ai compris, je rentre dedans et ils font des dégâts, malheureusement. Donc il dit, وأهل السنة باليمن وشيخهم وإخوانهم وهم في الدمج بعد أن بعد إخراجهم منها بغير حق لم يتغير لهم موقف اتجاه دعوة هؤلاء الحزبيين لأن إدانتهم لهم لم تكن عن هوى وإنما لما علموا من انحرافهم الذي أقاموا عليه البراهين الجلية من الكتاب والسنة ومنهج السلف نصحوا وبينوا للناس خطر سيرهم والدعوي الجديد. Donc il dit les دمج avec leurs شيخ et leurs frères. Même les frères à l'extérieur, qui ne sont pas forcément des mages, mais qui sont vécus dans le sens sur le haq, tu vois. Après qu'ils étaient sortis des mages injustement, leur position n'a pas changé. Malgré la guerre qu'il y a eu, ce qui s'est passé, ils n'ont pas dit, ouais, c'est bon, on arrête. Vous êtes toujours des hizbis. Mais pour l'instant, il y a aham, plus important. Là, sur le moment, là, mais vous êtes qui vous êtes. On n'a pas changé de position. C'est pas genre, ils disent, ah, c'est bon, on arrête, on est bien copains, on serre la main. Là. El bida bida, ça n'a pas changé. Car leur verdict qui était établi sur ces gens-là n'a pas été fait avec passion. Il a été fait sur preuve. Lorsqu'ils ont su leur déviation, et cela est prouvé par les preuves claires du livre de la Sunna et de Manhaj Salaf, et qu'ils ont conseillé, qu'ils ont éclairci les gens du danger de cette nouvelle da'wah que ces gens, dans laquelle ces gens mettent en place. Cette nouvelle da'wah que ces gens mettent en place. Donc malgré tout ce qui s'est passé, tu vois, le mouqif, il n'a pas changé. Contrairement à eux. aujourd'hui commencent à parler les uns sur les autres. J'ai des dossiers sur lui depuis 25 ans, je le connais depuis longtemps, et je le conseille depuis longtemps. Depuis le début, le manque des gens de dommage, il n'a pas changé. Même dans les moments les plus durs, il n'a pas changé. وكان من ثمر ثباتهم على ذلك وصبرهم أن فضح الله عز وجل تلك الحقيقة التي عليها الحزب الجديد العدني الجابري والتي طالما صاح على السنة بدماج وشيخها وإخوانهم ببيانها وتجلية خطرها. Donc parmi les fruits de cette patience dont les gens de Damage ont fait preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dévoiler la réalité de ces gens-là. D'accord ? Et comment dire la division qui est entre eux. حيث لما نال بعضهم من بعض مصلحته فيما يظنون طبعا وبعد أن اجتمع جمعهم على معارة أهل السنة بالدماج بغير حق يمكرون وكان لا بد بعد ذلك من أن يذهب الزبد جفاء ويعود ذلك الاجتماع المؤقت إلى أصله إلى الفرقة والشقاق. Donc il dit qu'après que certains obtenaient ce qu'ils voulaient de leur intérêt, la maslaha, et qu'après qu'ils étaient réunis dans un même but qui était le fait de s'en prendre aux gens de la Sunna d'Ammaj, sans droit, et qu'ils ont comploté pour cela, il était obligatoire que les choses reviennent à leur origine. Une fois que le faux est parti, la réalité réapparaît. Et c'est quoi la réalité? C'est qu'ils sont divisés, ces gens-là. C'est la division, leur base. Les gens de la Hawa, c'est la division, leur base. Donc là, ça réapparaît, maintenant. D'accord? Ça réapparaît. Car leur, comme on dit, leur alliance, elle était temporaire. Temporaire. Et là, comme ils pensent qu'ils sont arrivés à leur but, d'après, ils pensent que la Dawa Salafia, la Demaj, elle est morte, ce qui n'est pas le cas, eh ben, ils disent, c'est bon, maintenant, on peut régler nos comptes. J'ai plus besoin de toi, donc maintenant, je te jette, comme on dit. Tu vois? Comme Shahi disait, la Hizbiya, les Hizbis sont comme, un ami qui avait dit cet exemple-là, comme un petit garçon qui prend une glace. Il la prend, il suce, après, jette le bâton. Alors qu'avant, il y a besoin du bâton pour tenir la glace. Sinon, la glace est trop froide, tu peux pas la tenir avec ses mains. Tu peux pas manger la glace, sinon, c'est sale. Il y a besoin du bâton. Le bâton, il est là, il le tient bien et tout, attention, un bâton propre. Il se mange bien la glace, il savoure, une fois qu'il a fini, il jette le bâton. Et c'est pareil. Ils vont vous prendre, ils vont vous sucer, après ils vont vous jeter le bâton. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est un ami qui a fait l'exemple. C'est un ami. Il a dit, c'est comme un enfant avec une glace. Il la mange, après il jette le bâton. Donc il dit, maintenant, chaque groupe parmi eux se met à dévoiler l'autre. Ce qu'il avait en lui, commence à le dévoiler. Après qu'ils aient fait... Ils ont fait apparaître le tahrish, c'est-à-dire le fait de semer la discorde entre les gens, en prétendant par exemple un conseil pour Mohammed et l'imam, après qu'il est sorti cette wasiqa, cette feuille-là avec les hawasa, ils ont commencé à tomber sur lui. Alors que les erreurs de Mohammed et l'imam par rapport à Rafida sont anciennes. Et tout le monde le savait. Pourquoi c'est maintenant que vous tombez sur lui? Ça fait longtemps qu'il a parlé sur Rafida. Man astahil dima Rafida, wala amwalahum, wala aradahum. Il a dit il y a combien de temps ça? Vous étiez où? Pourquoi c'est maintenant que cette feuille-là, c'est juste le fruit de cette parole. Et même, cette parole-là est bâtie sur quoi? C'est un irja qu'il a dans sa akhida, que Cheikh Saïd Da'as, il a déjà bayen. Et on avait déjà traduit avec les frères Farid et Mourad, rahimahumullah, ici dans le masjid, si jamais tu veux revenir, où ils bayennent bien que le asl de l'erreur de Mohammed al-Imam, c'est qu'il a un irja, très dangereux, des Jahmiya. D'accord? C'est déjà de Jahmiya. En fait, à partir du moment où tu as dans ton cœur la connaissance, tu peux faire ce que tu veux. Il a dévoilé ça. Ou ils n'ont pas dévoilé ça. Ils ont juste attrapé la feuille wasiqa. Azaï khwani mubtadi ardal hatta yatoubna di wasiqa. C'est tout. Et tout le monde a crié. Hey, ouais. Jarbed, il a parlé. Mais il n'a pas démontré les usul, il n'a pas montré les adillah qui montrent vraiment d'où ça vient ça. Tu vois. Les gens de Damaj, alhamdoulilah, ils l'ont fait. Mais, voilà. Walakin la tuhibu an-nasihin. Hadha mushkila. La tuhibu an-nasihin. Donc il dit également par rapport aux erreurs du Ibn Libana, parce qu'aujourd'hui ils font croire qu'ils veulent conseiller Mohammed al-Imam. Et que par exemple le Ibn Libana, ils les connaissent depuis longtemps aussi. Ils ne parlaient pas du Ibn Libana. Ils disaient rien du tout. Plutôt même, ils disaient, par rapport au livre et à l'auteur, les gens étaient de quelle catégorie? Ceux qui défendaient le livre et l'auteur. Ceux qui trouvaient des excuses. Ceux qui disaient des erreurs, mais si, mais quand même, c'est, voilà quoi. C'est une erreur, c'est pas grave, ce genre de choses. Ceux qui se taisaient. Et ceux, carrément, qui ont abandonné le haq. Et aujourd'hui, maintenant, comme ça va venir, ils parlent sur le Liban. Taille. Ils me disent depuis le temps. C'est maintenant que tu réagis. Et une fois que les gens, le livre s'est bien propagé, les choubouettes, elles ont bien dans la tête des gens, les gens ont bien été illusionnés par le kitab, selon que tu parles. Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Au minimum, pourquoi tu n'as pas défendu ceux qui parlaient? Au minimum. Non. Ça va bien. Inch'Allah. Quand on lève un chien, le Hudhayfi, donc il dit après, le Hudhayfi, il y a Hani Bouraïk, il y a Arafat, et le Mohamed Gharib, et d'autres, ils ont ouvert un forum qui s'appelle Manabir Souboul et le Houda. Ahak et Nusamma bi Souboul et le Dolel, en réalité. Ils ont fait le Wahyayn et après ils ont fait un autre. Souboul et le Houda. Et tout ça pourquoi? Juste pour s'en prendre aux gens de Medj et leur chir. Ils sont mis à y propager plein d'articles et d'audio afin de diffamer les gens de Medj, de Haddadiyya. Et de roulou, d'exagération, et de fitna. Et tout cela pourquoi? Pour défendre leur chir à l'époque, Abdurrahman al-Adani, celui dont Cheikh Yahya a bien clarifié la fitna avec des preuves claires. Également pour défendre al-Wasabi, Ebou-Li, et Mohamed al-Imam, et son livre al-Ibana. Celui dont les gens de Mej également ont clarifié les erreurs depuis le début. D'accord? Et dès que le livre est sorti, je me rappelle, Cheikh Yahya a sorti un audio direct. Pour dire que ce livre-là, de façon générale, c'est un livre de Tamir avec des règles de Hizbiyyin. Et qu'on demande à Cheikh Mohamed l'imam qu'il le révise, qu'il l'arrange, qu'il y a plein d'erreurs dedans. Du jour où il est sorti les livres, direct Cheikh Yahya a parlé. Et eux, ils ont carrément des forums, mon frère, des sites pour le défendre. Pas pour le livre, je parle, mais pour s'en prendre à des mèches et défendre ces gens-là, juste pour les allier avec eux, pour s'en prendre le Hajj. Et même, t'en as un autre là, en Angleterre, à Birmingham, qui s'appelle Mehdi, là, un joaillier. Carrément aussi, il a fait un site juste qu'on. Alhajouli.com. Juste pour taper le Cheikh Yahya. Tu te rends compte un peu? Il y a eu un site juste pour Cheikh Yahya Alhajouli. Ils n'ont pas fait pour Gazaoui. Ils n'ont pas fait pour les plus grands têtes de la bid'a de cette époque-là. Mais Hajouli, ils ont fait un site entier juste pour lui. Regarde un peu, ils n'ont rien à faire. Da'ir, t'as rien à faire de ta vie. Faire un site contre une. Même si on peut te dire pour devrait mettre un site entier juste pour lui. Adjib. On dirait vraiment, c'est Shaitan, mon frère. C'est, il a arrivé le mal le plus grand de la terre pour faire un site sur lui. Et ils sont tous fiers. Et lui là, ce Mehdi là, c'est un petit Jouhayhil qui a même pas dû dire du tout. Peut-être qu'il parle un peu la langue arabe, Allah Alem, et les gens l'ont pris pour je sais pas qui. Ils sont bien conflits. C'est un gros Jahil, un ignorant, il sait rien du tout, celui-là. Tu vois? Et il vient d'Angleterre en plus. Pour te dire. Chez l'âme d'Angleterre. Et il vient faire un site. Alhajouli.com. T'as tout compris, toi. Mashallah, bah fais-nous Elisabeth.com aussi. Ça serait bien. Franc-maçon.com, ça serait bien, tu vois. Ou Kouf.com, Bida.com, Alhajouli.com. C'est un suiveur de la Maktaba Salafia, qui sont parmi, également parmi les plus gros acharnés dans la fitna contre le match. Là, c'est juste de la rage, c'est tout. Tu vois? Et du hawa. La rage, du hawa et du jahil. Résultat. Lui, c'était pareil. Au début, c'était copain-copain avec le Hizbi, comme Fahd El Mekki. Et après, ben, il y a eu la guerre en vrai. Après, l'un, il tape sur l'autre. Tu vois? Au début, c'était ensemble. Tu vois? Après, il y a eu un khilaf, je sais pas par rapport à quoi. Et classe. Après, il fallait se mettre à parler sur Mehdi avec les Jamayat, l'association, je sais pas quoi. Alors que nous-mêmes, ça fait longtemps qu'on en parlait, il disait rien. Il nous tapait, nous. Et à la fin, il prend les mêmes, comme là, il prend les mêmes preuves qu'on a données. À ce moment-là, il n'est pas venu fouiller dans notre site ou sur les choses traduites par les gens de Demej pour aller taper les gens des Jamayat parce qu'ils étaient contre eux. Alors qu'avant, il disait rien sur eux. Donc, comme il a rien trouvé comme argument pour s'en prendre à ces gens-là, vous avez des Jamayat, vous avez. Ouais, ils ont des Jamayat. Pourquoi tu parlais pas avant? Pourquoi c'est maintenant que tu parles de ça? Maintenant que tu n'as rien trouvé contre eux, bah, tu prends ça. Comme eux, ils sont là. On prend l'Ibana, on prend le Wasika, on prend, alors c'est là depuis longtemps. La même chose. Donc il dit, et lorsqu'ils ont vu qu'Abdurrahman ne suivait pas dans leur avancée, ainsi que ce qu'on appelle les machères du Yémen, n'étaient pas avec eux jusqu'au bout, on était parti du parcours avec vous, contre Hadjouli, après hop, on poursuit notre chemin. Lorsqu'ils ont vu ça, je parle de l'équipe de Cheikh El Jadid, le Hudhayfi et Arafat, tous ces gens-là, qu'ils ont vu qu'ils se rebellaient, ils n'acceptaient pas de suivre le complot jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont mis à quoi? À chercher la première brèche pour pouvoir les taper. Donc, dans le sens, Abdurrahman, tu ne veux pas suivre avec nous? Alors qu'on a fait tout ça pour toi au début. On t'a aidé contre le Hadjouli, tu ne veux pas suivre maintenant? Et le machin du Yémen, vous aussi, vous ne voulez pas suivre? D'accord. Eh bien, maintenant, on va parler sur vous aussi alors. Des choses qu'on connaît de vous depuis longtemps, on se taisait parce qu'on avait besoin de vous. Et bien maintenant, on va parler. Et le problème, c'est qu'on sait que les gens de Demej ont déjà parlé sur vous, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se fatiguer, on va aller prendre ce qu'ils ont dit sur vous. Comme il le dit chez Youssouf, qu'après, il y en a un, il s'appelle l'autre, la Hudhayfi. Il a sorti des Waqafat, des points par rapport au livre libanais. Tout faible. Et la plupart d'entre elles, ils ont pris d'où ? Du propre livre de Youssouf, Cheikh Youssouf, et de Cheikh Farid Dahas. En fait. Il va prendre les livres des autres, il va prendre les Hujjaj, et après, il fait genre comme s'il avait fait un rod. Tu comprends ? Ce libanais. Et bien, ce que tu dis, reproche là, le livre libanais est sorti il y a combien de temps, à peu près ? 6 ans ? 5 ans ? Le livre est sorti. Les gens des mecs, ils ont réagi direct. Et les salafiens ont accepté direct. Ils étaient où ces gens-là? Et 5 ans après, tu viens, tu sors des wakafats, comme on dit. Après que le poison s'est propagé, tu sors des wakafats maintenant. T'étais où avant? Et il y a le nom de votre chir dessus là, Rabi al-Matrali, qui l'a révisé. Et je l'ai vu la première édition du livre, il y a des talikotes de lui dedans. Est-ce qu'elles sont de lui ou pas? Allah alam. Et à son nom, le supposé, c'est toujours pas une santé du livre. Nous sommes en train de parler sur le livre. Il y a le nom de votre chir dessus là. Pourquoi vous parlez pas sur lui? Ah, le chir, il ne faut pas le toucher. Ah, mais les autres? Les petits là, on peut y aller. Eh bien, ils n'ont rien dit sur lui. Eh bien, maintenant, si vous êtes sincère dans votre truc là, ceux qui ont fait la moukot d'Ima et ceux qui ont fait des ta'alikot, comme il en a dessus, soit vous dites, il y a Cheikhana, il y a ton nom sur le livre, c'est un livre plein d'erreurs, faut que tu enlèves ton nom, ou que tu fasses un bayen, ou alors on te met avec eux. Mais ça, non, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi besoin d'eux. Elle m'a traîné. On a besoin de lui aussi jusqu'à présent. Tu verras demain dans quelques temps, s'ils n'ont plus besoin de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou si lui n'a plus besoin d'eux, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Tu vas voir. Donc celui qui compare, comme il dit, entre ce que Cheikh Youssouf a écrit lui-même sur le livre Libana et Cheikh Saïd Dahas et qui lit ce que l'autre il a écrit, Al-Hazayfi, il voit que c'est la même chose, qu'il a pris en fait d'eux. Tu vois, il a pris, il n'est pas fatigué. Donc il fait bien comprendre que ces gens-là, dans leur conseil actuellement là, ils sont des menteurs. Leur but c'est pas de défendre le haq, c'est juste de se venger. Comme une mafia. Tu veux pas suivre les ordres du parrain, alors on t'exécute. Mais si tu suis les ordres du parrain, on te protège. Même si tu es quelqu'un, on ne fait pas confiance. Et là, maintenant, ils ont fini. Maintenant, on règle nos comptes. Tu veux pas suivre jusqu'au bout, là, on s'en prend à toi. Toutes tes erreurs qu'on cachait avant, qu'on défendait, mais maintenant, on va te les reprendre. Une par une. Et t'en as, le dit, hein. Donc, en audio, je crois que c'est Rémi Boulay. Voilà, nous l'idée d'un nexif malafat, l'anou, ou indana, ou l'illah, l'hamd, ou ana, koulou, ha, l'koulli, ou ahad, fil Yémen. هاني بن بريك عنده ملف عمره 25 سنة. Il fait 25 ans. J'ai 25 ans de dossier sur eux. 25 ans, tu dis 25 ans. Allahu Akbar. Tu dormis la nuit tous avec ces gens-là. 25 ans de dossier. C'est pas exigé 25 jours ou 25 mois. 25 ans, mon frère. 25 ans de dossier sur eux, il dit. C'est bon que tu les sors. T'es 25 ans. Ça prouve que t'es pas un ancien. T'es pas un ancien. Toyeb. Au fil des cas, là, il sort. Il dit. وفي ذلك يقول الإمام إبراهيم النخعي في قوله تعالى ورقينا بينهم الغداوة والبغضاء أي هم أصحاب الأهواء. Donc il dit dans la parole d'Allah dans le sens, nous avons mis entre eux l'animosité et la haine, c'est-à-dire les gens des passions. Ils ne s'aiment pas entre eux. وقال أحمد بن حنبل هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. L'imam Ahmed, ils disent, eux, ils divergent du livre. Ils s'y opposent et ils trompent les gens, parmi les ignorants, en parlant des choses équivoques. Et plus bas, il sort une parole de l'imam Isbahani, qu'il dit, « Kana sabab fi ittifaq al-hadith, yani al-sunnati wa jama'a, annahum akhazu al-dinu min al-kitab wa sunna wa tariq al-naql, fa'awrasahum al-ittifaq wa al-ittilaf, wa al-bid'ati akhazu al-din min al-maqulat wa al-a'ra, وأرثهم الافتراق والاختلاف. Donc il dit quoi, l'imam al-Asbahani, qu'à la base des gens de la Sunna, comment sont-ils arrivés à l'accord et à l'union du fait qu'ils ont pris leur religion du livre de la Sunna? Alors que les gens de la Bid'a, ils ont pris quoi? Leur din, des paroles à droite à gauche, des avis, ce qui a apporté quoi? La division et la désunion, des accords. Celui qui prend du haq reste le haq. C'est logique, c'est mathématique même comme on dit. Tu comprends? Si on prend une chose à la source, on va rester dessus, unis. Et celui qui commence à prendre, vouloir faire comme on dit du hors-piste, à droite à gauche, lui, on l'a dit, il prend sa part. Et là, c'est leur cas, à ces gens-là. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى ولذلك سمي البدع الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية منذ مأخذ الافتقار إليها والتعويل. Ça, moi, j'ai pas trouvé. عليها حتى يصدروا عنها. بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على أرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منذورا فيها من وراء ذلك في الاعتصام. Donc il dit dans le sens que les gens de la bida ont été appelés al-ahwa car ils suivent leur passion. Ils suivent leur passion et qu'ils ne prennent pas leur source depuis l'épreuve légiférée. D'accord ? Ils les délaissent derrière eux et suivent leur passion, ce qui amène à la divergence entre eux. Wa qala Huzayfa radhiyallahu anhu qala li Abi Mas'ud radhiyallahu anhu inna ad-dalalata haqq ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawud fi ad-din fa inna din Allah wahid. Donc il dit quoi? Le pur égarement, le vrai égarement, c'est que tu te mettes à accepter ce que tu blâmais et que tu blâmes ce que tu acceptais. Donc prends attention au changement en religion. D'accord ? Car la religion d'Allah n'est qu'une. Donc toi, sois un également sur tes positions. Tu peux demain avoir fait un ishtihad sur le masala et voir que tu as eu tort de revenir. Mais tu bayennes. Mais demain, tu vois des choses qui étaient blâmables. Tu voulais blâmer, aujourd'hui tu les fais ? Ou le contraire, des choses qui étaient bien, t'as prouvé qu'elles étaient bien et maintenant tu les fais ? Ou du moins tu les blâmes ? Ça, c'est montre quoi ? T'as là où tu joues en religion. D'accord ? Donc après ça, on passe jusqu'en dessous, par exemple en dessous. Cheikh Youssouf précise bien que pour que la chose soit bien classée pour les gens, et que ceux qui ont été illusionnés et trompés par leur fitna, il va montrer ici dans cette risala des faits explicites qui démontrent que ces gens-là jouent avec la religion, jouent avec le minhaj, ils ne sont pas sincères, ils sont des menteurs, et que ce qu'on a dit sur eux depuis le début est réel. Et que c'est eux qui changent maintenant. Et que du premier jour jusqu'à maintenant, les gens de la sunna et salafi, et alors peut-être les gens de Dammej, ont toujours été sur une position unanime et droite face à ces gens-là. La parole, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. D'accord ? Elle n'a pas changé. Et que maintenant, il va démontrer que ces gens-là se retournent les uns contre les autres. D'accord ? Après qu'ils étaient soi-disant en apparence Tarsaboum Jamia Okoloboum Shatta, tu as cru qu'ils étaient unis. Mais maintenant, tu vas voir que leurs cœurs sont divisés et qu'ils mangent les uns les autres. Ça reproche des choses. Et que l'Adadi, ce qu'on disait sur lui, ils vont eux-mêmes le confirmer aujourd'hui. Et tu vois que nous, ce qu'on disait sur eux, et bien l'Adadi, c'est Ashab, le confirme sur eux. On va pas plus loin que ça. Donc il dit à la finale, qu'est-ce qui va rester aux Mouta'assibin, aux fanatiques? Ceux qui défendaient Obeid, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui défendaient l'Adadi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui défendaient le Waslobi, ce qu'on appelle le Mashab de Yémen, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ceux qui défendaient Rabbi al-Matrali, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'ils vont aussi parler de lui. Vous voulez dire quoi maintenant? C'est quoi vos arguments pour pouvoir les défendre? On vous appelle à quoi? À faire Toba, une Toba sincère, d'arrêter de jouer. Car en faisant ça, vous ne vous faites que du mal à vous-même. Comme on dit, celui qui s'en prend au haq, c'est comme s'il mettait des coups de tête sur une montagne. La montagne, elle ne va pas bouger. Tu mets des coups de tête sur une montagne, la montagne, elle ne va pas bouger, même pas de petits cailloux. C'est toi qui vas te faire mal. T'es qui devant une montagne? Le haq, il est wadih. Tu ne pourras rien faire. Donc arrête de te faire mal à la tête. Et repose-toi. Accepte la vérité. Dis, c'est une montagne, c'est une montagne. Ah mais si tu la tapes avec ta tête, tu vas pas y arriver. Jamais tu vas y arriver. Mais c'est ridicule. Tu vois. Donc le Qasd, c'est arrivé à là de démontrer que depuis le début, la vérité, elle est qu'une. Et alhamdoulilah, ceux qui ont été mouafakoun, qui ont dit sur la vérité, sont toujours dessus. Et ceux qui étaient sur le bâti, aujourd'hui, leur réalité apparaît. Bien que ça fait longtemps, on a vu leur réalité, tu vois. Mais des gens, il faut, comme on dit, faut prendre gif, sans que ça fait mal. Tu vois. Faut prendre une claque, déjà tu leur dis, faut prendre une claque, ça fait mal. Attention, je te conseille, reste pas là. Il reste. Et après, une fois qu'il a pris la claque, il fait, ah ouais, ça fait mal en effet. Ah, on te l'avait dit. C'est ça une nasiha. Pour ton bien. Tu vois, pour ton bien. Nous, on n'a pas de profit là-dedans. À part de, Inch'Allah, le ajr. On n'a pas de jamaïa derrière, on n'a pas d'argent derrière, on n'a pas de statut à prendre, on n'a rien à prendre derrière. Au contraire, on n'a fait que subir. Et patienter. Combien de gens, on les a conseillés, nous ont délaissés? Des fois qui étaient avec toi en France, qui étaient comme ça avec toi, la fitna est arrivée, elle a divisé de ta main. T'as vu qui était sur le haq, qui était vraiment un salafi, qui était sincère et qui était. Pas mieux, t'as des ignorants qu'il faut faire attention, qui sont fait avoir, mais sinon t'as bien vu. Même la hijra aussi, quand t'as fait la hijra. Les gens d'avant que tu connaissais, ils sont où? Sont les frères d'avant que tu connaissais, que tu fréquentais? Il n'y en a plus. C'est Hadjib. Au lieu de te suivre, ils t'ont délaissé. T'es point de tes nouvelles? Rien du tout. Rien, ils t'ont délaissé. Il est rahimallah. C'est comme le tawhid de l'islam, il est bien pour faire le furqan, pour diviser entre le haq et le batil. Le khayr que tu fais va être un discernement pour toi. Entre qui est vraiment ton frère en Allah, qui ne l'est pas. Comme la famille. Demain, tu te convertis à l'islam, tu verras ton frère qui l'est réellement. Ta mère qui l'est réellement. Ton père qui sont. Tu verras tes parents qui sont réellement. Avec la vision de l'islam. Tu verras qui t'as affaire. Si tes parents, tu les aimes, tu sauras vraiment qui ils sont. Mais c'est les koufars. Leurs vrais défauts vont apparaître. Leur orgueil. Tu vois. Leur mauvais comportement, tu vas le voir. Ils auront des qualités sûrement, tu vois. Mais tu verras vraiment qui ils sont. Ils vont te faire la guerre maintenant. Pourquoi? Parce que t'es musulman. Ou alors quelqu'un qui était ami ou qui était moutadir, il devient salafi, ses parents musulmans vont faire la guerre. Ou quelqu'un qui croit qu'il était vraiment salafi, t'as fait l'hijra, t'as un argument contre lui, il va partir, il va te faire la guerre. Ou il va te délaisser. À chaque fois que tu avances étape en étape, tu laisses des gens derrière toi. Voilà, sunnatillah. C'est pour t'éprouver vraiment. Si vraiment t'es sincère, c'est Allah que tu veux, tu veux les gens. Tu veux les gens, Henri, tu seras toujours déçu. Si tu cherches les gens, tu seras toujours déçu. Allah, tu seras jamais déçu. Adawa. تمام فبيد القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحيتي دماج افاخ وانكم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم فيا هول مصيبه فيا هول مصيبه من تراس هذا الحزب الجديد او غير هذا الحزب من الاحزاب يا هول مصيبته اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار هذا دليل عام استدل به في العموم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا أشهد بالله أن بعض الناس من المتعصبين لعبد الرحمن ممن يدعون العلم وممن يعتبرون طلاب علم أنهم يسيرون في هذه الفتنة على غير نور من الله في ظلام دامس يسيرون فيها في ظلام دامس على غير بصيرة ولا نور من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف انطمست البصائر في هذه الفتنة في أشياء معلومة أشياء فتنة في الدعوة فنعم يسيرون في ظلام دامس